Et puis, il y a surtout à Bunus, il y a une équipe... Eta bereziki, Bunusen bada ekipa bat, hemengo eta urunagoko jendez osatua, egin molde hori sortu duena, eta olako manifestaldietan sinesten duena. Qui croit à l'intérêt de ce type de manifestation, qui travaille d'arrache-pied... Arrunt, kartsuki, ari den lantalde bat, logistikaren antolatzen, gaien jorratzen, inkestak egiten, lan oso bat. Travailler les thèmes, les enquêtes nécessaires pour vérifier si les thèmes sont pertinents, enfin ça demande un vrai boulot. Cette année, on a travaillé avec 3 universités. Adibidez, aurten, hiru unibertsitateekin ari izan gira lanean, proposatzen ditugun gaien inguruan, aztertu gabeak direnak oraino. A travaillé sur ce type de thèmes qui ne sont pas explorés aujourd'hui.